Ésaïe chapitre 57. Le juste est mort, et il n'y a personne qui prenne garde, et les gens de bien sont recueillis sans qu'on y soit attentif, sans qu'on considère que le juste a été recueilli de devant le mal. Il entrera en paix, il se repose dans leur sépulcre, savoir, quiconque aura marché devant lui. Mais vous, enfants de la devineresse, race adultère, équipe paillardée, approchez ici. De qui vous êtes-vous moqué? Contre qui avez-vous ouvert la bouche, et tiré la langue? N'êtes-vous pas des enfants prévaricateurs, et une fausse race, qui vous échauffez après les chênes, et sous tout arbre verdoyant, et qui égorgez les enfants dans les vallées, sous les quartiers des rochers? Ta portion est dans les pierres polies des torrents, ce sont elles qui sont ton lot, tu leur as aussi répandu ton aspersion, tu leur as offert des offrandes, pourrais-je être content de ces choses? Tu as mis ton lit sur les montagnes hautes et élevées, même tu y es monté pour faire des sacrifices. Et tu as mis derrière la porte et derrière le poteau ton mémorial, car tu t'es découverte loin de moi, et tu es monté, tu as élargi ton lit, et tu te laisses tailler plus grand que n'ont fait cela, tu as aimé leur lit, tu as pris garde aux belles places. Tu as voyagé vers le roi avec des onguents précieux, et tu as ajouté parfum sur parfum, tu as envoyé tes ambassades bien loin, et tu t'es abaissé jusqu'aux enfers. Tu t'es travaillé dans la longueur de ton chemin, et tu n'as point dit, c'en est fait. Tu as trouvé la vigueur de ta main, et à cause de cela tu n'as point été languissante. Et de qui as-tu eu peur? Qui as-tu craint? Que tu m'aies menti, et que tu ne te sois point souvenu de moi, et que tu ne t'en sois point soucié? Est-ce que je me suis tu, même de si longtemps, que tu ne m'aies point craint? Je déclarerai ta justice et tes œuvres, qui ne te profiteront point, que ceux que tu assembles te délivrent, quand tu crieras, mais le vent les enlèvera tous, la vanité les emportera, mais celui qui se retire vers moi, héritera la terre, et possédera la montagne de ma sainteté. Et on dira, relevez, relevez, préparez les chemins, ôtez les empêchements loin du chemin de mon peuple. Car ainsi a dit celui qui est haut et élevé, qui habite dans l'éternité et duquel le nom est le saint, j'habiterai dans le lieu haut et saint, et avec celui qui a le cœur brisé, et qui est humble d'esprit, afin de vivifier l'esprit des humbles, et afin de vivifier ceux qui ont le cœur brisé. Parce que je ne débattrai point à toujours, et que je ne serai point indigné à jamais, car c'est de par moi que l'esprit se revêt, et c'est moi qui ai fait les âmes. À cause de l'iniquité de son gain déshonnête, j'ai été indigné, et je l'ai frappé, j'ai caché ma face, et j'ai été indigné, mais le revêche s'en est allé, et a suivi la voie de son cœur. J'ai vu ses voies, et toutefois je l'ai guéri, je l'ai ramené, et je lui ai rendu ses consolations, savoir, à ceux d'entre eux qui mènent deuil. Je crée ce qui est proféré par les lèvres, paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près, a dit l'Éternel, car je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer qui est dans la tourmente, quand elle ne se peut apaiser, et que ses eaux jettent de la bourbée du limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, a dit mon Dieu.